Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, auditeurs de Fadjet 94.2. Nous voilà de nouveau réunis pour une nouvelle émission des Bons Plans Solidaires avec toute l'équipe et la Dream Team du groupe solidaire actif de l'association Aurélia. Alors nous avons Khadija, bonjour Khadija. Bonjour Lionel. Bonjour Alain. Bonjour Lionel et bonjour tout le monde. Bonjour Françoise. Bonjour Lionel. Et bonjour Tao. Bonjour Lionel. Alors, on va commencer cette émission, je crois, avec Alain, qui va nous donner, on est à la Chandeleur presque, là, donc il va nous donner une recette de crêpes au chocolat. Mais attention, une recette un petit peu différente d'habitude. À toi, Alain. Je vais vous faire une recette des crêpes au chocolat en poudre. Ingrédients, 500 g de farine, 3 cuillères à soupe de cacao en poudre, 1 litre de lait écrémé, 4 œufs, une pincée de sel et 5 cuillères à soupe d'huile. Faites un petit puits dans la farine. Ajoutez 3 cuillères à soupe de cacao. Y cassez les œufs. Ajoutez un verre de lait et 5 centilitres d'huile. Battez le tout et rajoutez le reste du lait. Laissez reposer une heure, couvrant le saladier d'un torchon de cuisine. Au bout d'une demi-heure, la pâte devient liquide. Pour réaliser les crêpes, il suffit de verser une louche de pain dans une poêle à crêpes, huilée ou beurrée. Tournez la poêle pour que la pâte s'étale autour de la surface. Lorsque la pâte commence à être bien cuite, faites sauter la crêpe pour la retourner et dorer le deuxième côté. Une fois prête, retirez-la du feu, mettez-la sur une assiette et saupoudrez-la de sucre de canne. Vous verrez que votre crêpe est de couleur brune, couleur cacao. Renouvelez l'opération, louche par louche, avec toute la quantité du saladier, selon votre gourmandise. Si vous ne mangez pas toutes les crêpes, vous pouvez les emballer dans une assiette sous cellophane. Les conserver au frigo maximum 24 heures avant de les faire réchauffer, de préférence à la poêle, sinon une minute au micro-ondes. C'est une recette économique et revient à moins de 5 euros. Bon appétit, les petits gourmands, à bientôt. Merci Alain. Merci Alain. On continue maintenant. Tao, tu prends la relève de l'émission ? Bien sûr, pas de problème Lionel. Alors là, pour la prochaine chronique, il me semble que Khadija, en grande journaliste, est partie nous chercher quelques informations concernant la ville de Nancy, notamment les parcs nancéens. C'est bien cela, Khadija ? Oui, bonjour Tao, bonjour chers auditeurs. On va parler d'importants changements qui sont prévus annoncés en 2024. Le conseil municipal a récemment adopté un plan de lutte contre le tabagisme, incluant l'interdiction de fumer dans les parcs et les jardins. À partir de février 2024, des parcs tels que le Square Jules d'Orgères, le Jardin Paul Verlaine et le Parc Muron seront transformés en espaces sans tabac. En avril-mai, cette interdiction s'étendra aux parcs Orly, Saint-Marie et Charles III. Avec pour objectif ultime d'inclure tous les parcs d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, au second semestre 2024, le tabac sera proscrit dans les lieux sportifs municipaux englobant les gymnases et les événements. C'est tout pour l'interdiction de fumer au parc. Merci beaucoup Khadija, et ben voilà qui devrait rendre les parcs encore plus agréables qu'ils ne le sont déjà. Dis-moi, il me semble que toujours en grande journaliste, tu nous as prévu une deuxième petite chronique, je crois, sur le fait de se garer à Nancy. C'est bien cela ? Oui, toujours on continue avec un autre changement majeur annoncé concernant les tarifs de stationnement à partir du 1er janvier 2024. Les parkings en ouvrage gérés par la ville seront transformés à la métropole de Grand Nancy. Cette transition sera accompagnée d'une réflexion sur un nouveau plan de circulation et d'une harmonisation des tarifs, avec l'objectif de rendre le stationnement en ouvrage plus attractif que le stationnement en surface, comme annoncé par Mathieu Quillin, maire de Nancy et président de la métropole. Lors d'une conférence de presse en juin 2023, ces évaluations marquantes façonnent l'avenir de Nancy, avec des mesures visant à promouvoir la santé publique et à faciliter la mobilité dans la ville. Je vous remercie de suivre notre radio. À la prochaine fois avec de nouvelles informations. C'était Khadija de Radio Fadjet. Merci beaucoup Khadija pour cette chronique et toutes ces super informations. Sur ce, nous allons passer par une première pause musicale. Alors il me semble qu'en plus la chanteuse est une amie à toi, Lionel. Alors je voulais vous présenter moi une artiste, auteure, compositrice, interprète qui s'appelle Isa Ham. Son univers est le blues, le folk, le rock, la pop. Originaire de Lorient en Bretagne, elle s'est installée aujourd'hui dans la région de Tours pour poursuivre cette belle aventure de la composition musicale et artistique. C'est une artiste professionnelle depuis plus de 20 ans. Elle a écrit déjà deux albums, le premier il y a quelques années qui s'appelait Mon ami, mon pote et le second qui est sorti il y a quelques mois et qui s'appelle Un rêve d'enfant. En voici un extrait. Tu sens comme une marée noire ce soir en moi, doucement montée. Envie de larguer les amarres, de mettre les voiles, de filer. Alors Isa Ham est une reconnaissance au niveau national et sa voix est reconnaissable parmi tous les artistes car elle est suave et ses textes sont très poétiques. Elle est même surnommée le Bachung au féminin. Bien connue aujourd'hui par ses tournées dans de nombreuses régions de France, elle a enregistré cet album avec pas moins de 14 musiciens venus d'univers variés et complètement différents qui ont apporté chacun une richesse supplémentaire à ses compositions. Isa Ham tourne à longueur d'année sur les scènes et festivals de France et ce depuis une quinzaine d'années. Dans ses concerts, elle reprend son répertoire avec toujours quelques titres inédits car Isa aime toujours être en créativité. Voici un deuxième extrait de son dernier album qui s'appelle Un rêve d'enfant. Alors Isa Ham vient dans notre grande région, la région Grand Est, régulièrement pour faire des concerts, surtout sur Reims, Charleroi, Sedan, mais encore n'est jamais venu chez nous chanter en Lorraine. Alors à tous les organisateurs de spectacles qui écoutent Fadjet, les festivals, les scènes diverses, nous pouvons que vous conseiller de réparer cet oubli et de l'inviter prochainement dans la région. Et vous verrez, si vous la découvrez, vous l'adopterez. Elle est cool, Isa Ham, et son univers est tendre et festif à la fois. Pour la découvrir, il suffit d'aller sur son site, isaham.wixsite.com/isa-ham. Et pour la contacter par mail, c'est isa.ham@outlook.com. Je répète, isa.ham@outlook.com. On vous fait découvrir la chanson phare de son dernier album qui s'appelle Mal de terre. Et Isa, on te souhaite de venir bientôt à Nancy. Tu sens comme une marée noire ce soir en moi, doucement montée. Envie de larguer les amarres, de mettre les voiles, de filer. On court, on court, on court, on court après le temps. On joue, on joue, on joue, on joue à faire semblant. On se tue, on se tue, on se tue, on se tue pour de l'argent. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 et c'est l'émission des bons plans solidaires du groupe solidaire actif de l'association Arelia. J'ai avec moi Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Tao. Qui nous a préparé une petite chronique cinéma pour une fois. Super. C'est nouveau pour les bons plans solidaires. On t'écoute Françoise. Je suis allée au cinéma, le Caméo, rue de la Commanderie, pour voir La Ferme des Bertrands. Il s'agit d'un documentaire réalisé par Gilles Perret. Le film raconte l'histoire d'une ferme laitière en Haute-Savoie, transmise au sein de la famille sur 50 ans, sur 3 générations. Mais ce n'est pas tant de l'histoire de ce documentaire que j'aimerais vous parler. Ce qui m'a plu dans ce film fut son ambiance à la ferme qui m'a dépaysée. J'ai pu y apprendre des choses sur la traire des vaches et leur mise à bas. J'ai apprécié voir le chien de berger faire avancer le troupeau de vaches. La variation des saisons m'a beaucoup plu. En hiver, ils rentrent les vaches au hangar pour qu'elles n'aient pas froid. Et le relâche au printemps et en été dans les pâturages pour brouter de l'herbe. Le film est composé d'images filmées en 72 lors d'un premier documentaire, puis d'images prises par Gilles Perret qui vivait à l'époque à côté de la ferme en 97, et enfin d'images plus récentes par tournées ces dernières années, faisant de ce film un véritable témoignage de l'évolution de notre modèle agricole. Allez le voir, il est super. Alors François, super chronique et effectivement super film documentaire. Alors ce qu'on a appris, c'est que en fait, toi tu vas très très très très souvent au cinéma et tu es même abonné, c'est ça ? Je suis abonné, oui. Alors ce que je voulais savoir, et ça peut intéresser nos auditeurs, pour un abonnement d'un mois dans le cinéma à Nancy, pour pouvoir voir tous les films, combien tu payes tous les mois ? Je paye 21,90€ fois 12 mois dans l'année. D'accord. Donc pour 21,90€ par mois, tu peux voir tous les jours, je peux aller. C'est génial. Alors, la deuxième chose, c'est que ça tombe bien parce que tu nous as mis en valeur un documentaire et que prochainement, à partir du 11 avril, du 11 au 16 avril, il va y avoir le Festival du film documentaire à Nancy, organisé par l'IRTS de Lorraine, dont on fait partie en tant que jury. Et donc, on va commencer à visionner notre sélection qu'on a faite de 12 films. Et on va donc voir 12 documentaires et on choisira notre documentaire qui remportera le prix de la solidarité. Ce que je te propose, Françoise, puisque tu es une abonnée de cinéma, c'est de tous les mois revenir en nous sélectionnant les films que tu as vus et nous en parler. D'accord ? D'accord. C'est pas cher. Pour 21,90€, tu peux aller voir 10 films dans le mois. Ah oui. La place à l'UGC, c'est 15€. Ah oui, voilà. Mais ailleurs, c'est moins cher, Commanderie. C'est 5€, mais il faut quand même... Ouais. C'est mieux la carte. Complètement. Eh bien, merci Françoise pour cette belle chronique. Tao. Nouvelles informations sur Nancy. Nous avons Alain qui nous a préparé une petite chronique sur les marchés ouverts le week-end. Ouais, super. Yeah. Les marchés de Nancy. J'aimerais vous parler des marchés ouverts le week-end à Nancy. Tout d'abord, le marché central de Nancy est ouvert le dimanche de 6h30 à 13h. Le marché d'Ossonville, le samedi uniquement, de 8h30 à 12h30. Le marché du Haut-du-Lièvre, avenue de Pinchard, ouvert uniquement le dimanche de 8h à 13h. Le marché de Vendeuve, ouvert le vendredi de 16h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 12h30. Le marché de Clérieux, à Villers-Nancy, rue Jean-Fléchon, le samedi de 8h à 13h30. Le marché d'Essélé-Nancy, place de la République, les samedis et dimanches, de 7h30 à 12h30. Les lignes de bus sont gratuites le samedi et le dimanche pour se rendre sur les marchés métropole. Bonne course! Les flâneurs du dimanche. Alors, justement, en parlant de flâneurs du dimanche, tu nous as proposé cette chronique parce que toi, t'es un spécialiste, t'adores le dimanche aller te balader sur les marchés de Nancy. Tu nous disais, l'ambiance, elle est super, et puis on fait des bonnes affaires aussi. Ben, surtout sur le marché du Haut-du-Lièvre. Ouais. Il ne faut pas y aller au début, parce que c'est quand même du prix assez fort. Ouais. Et à peu près un quart d'heure de la fin, pratiquement, c'est tout à 1€ le kilo. Ah ouais. Alors, ceux qui ont des grosses familles, ils en profitent. Un grand carton de 5 kilos, ils vont le payer à peine 1€. Ouais, parce que c'est des trucs qu'ils ne peuvent pas remballer, ils risquent de les foutre à la poubelle. Alors, ils préfèrent les vendre à la perte, et oui, pas risqué. Voilà, au prix coûtant, on peut pas voilà, vendre à perdre. Même en prix coûtant. Ouais. D'accord. Et donc, toi, t'as l'habitude, tu vas aussi au marché de Vendôme, tu vas au Sonville, t'aimes bien te promener. J'y vais plus maintenant. Je vais qu'au marché du haut du Vienne. C'est plus pratique. J'ai un bus où je peux y aller à pied. Autrement, tu dis les alentours, le dimanche, mes bus, c'est très long. Et puis, c'est sympa, il y a des bonnes odeurs en plus sur les échoppes. Ah, il y a des bonnes odeurs, oui, d'accord, mais on a l'habitude quand on est ces odeurs-là. Mais il y a beaucoup de monde à rencontrer et on peut parler, c'est très, très sympa. Ouais, d'accord. Eh bien, merci tout bien. Merci beaucoup, Alain. Nous allons à nouveau retrouver Françoise, oh là là, que nous venions tout juste de quitter. Françoise, il me semble que depuis peu, tu es, en plus d'aller au cinéma, tu es devenue habituée des médiathèques de Nancy et que tu souhaitais nous parler de l'une d'entre elles. Ça fait des années, oui, je suis adepte. Des années même, tant pour moi. Vas-y, parle-nous donc de ta médiathèque favorite. Je vais souvent à la médiathèque de Saint-Pierre. Elle est située à l'avenue Edderetsch, à Nancy, près de la maternité. Il y a 2 étages. On y peut choisir des bandes dessinées, des DVD, CD, des jeux vidéo, des romans, des mangas. Il y a grand choix. Pour les gens qui ont des problèmes de vue, il y a des rayons avec des livres possédant de gros caractères, par exemple de police, 20, 18, 16, pour faciliter la lecture. Vous pouvez prendre jusqu'à 25 livres et l'accueil, il y a des ordinateurs en libre assez pour vous connectés à Internet. La médiathèque est gratuite pour tous les moins de 26 ans, les étudiants, les bénéficiaires de minimaux sociaux. Les horaires d'ouverture sont du lundi au vendredi de 8h à 12h30. Et 13h30 à 17h. Mais là, médiathèque est fermée le week-end. L'accueil est très bon, alors prenez votre sac, n'hésitez pas, allez chercher des livres. Merci beaucoup Françoise. Dis-moi, je crois savoir que toi du coup, tu y vas toutes les semaines du coup à la médiathèque. Je sais que tu y vas régulièrement, c'est pour ça que je te demande. Pas celle-là, elle est petite. Elle est petite, mais tu l'aimes bien quand même plutôt bien. Là, si tu je as la choisi, connais quand même, je vais à la médiathèque de Nancy. Mais en ce moment, elle est fermée. Ah bah vas-y, parle-nous un petit peu laquelle du coup. La médiathèque rue Baron Louis est près de la manufacture. Elle est fermée pour cause de travaux jusqu'au mois de mai. Ah elle va, oui. Elle va rouvrir au mois d'avril, il paraît. Mois d'avril même. Ouais. Alors il faut savoir, Françoise, que toutes ces bibliothèques-là sont reliées dans le cadre de, c'est pas une opération, c'est un regroupement de bibliothèques Colibri, le réseau Colibri à Nancy. C'est-à-dire que tu peux aller dans une bibliothèque de ton choix, prendre un livre, et puis t'en as une plus près de chez toi. Tu peux aller le ramener dans la bibliothèque près de chez toi, en prendre un livre, le ramener dans une autre bibliothèque quand tu vas te promener à Nancy. Et il y a un système interne des bibliothèques qui ramène les livres dans chaque bibliothèque. Donc quand on est adhérent d'une bibliothèque, en fait, on est adhérent de toutes les bibliothèques autour de Nancy. Et je crois qu'il y en a une dizaine de bibliothèques autour de Nancy. Donc ça vaut quand même le coup. Je ne connais pas tout. Eh ben voilà. Donc, Maxéville, je ne connais pas. C'est loin, je n'y vais pas. Tu regarderas l'accueil de la bibliothèque Saint-Pierre où tu vas et tu leur demanderas, ils ont des petites prospectus sur le réseau Colibri qui te permet d'aller aussi dans les autres bibliothèques de Nancy. En tout cas, c'est une super bonne idée et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. À l'abonnement, bah, comme tu disais, c'est gratuit. Gratuit. Et puis pour ceux qui règlent, ça doit être maximum 10 euros par an. Et quand tu dis qu'on peut prendre 25 livres, je veux dire, on a de quoi lire, avoir des CD, des films, etc. Et on peut aussi, bien sûr, lire sur place. Consulter Internet sur place et consulter toute la liste de toutes les œuvres qu'il y a dans les bibliothèques, aussi grâce aux ordinateurs qui sont sur place. Donc c'est vraiment une bonne idée d'être adhérent des bibliothèques à Nancy. Eh bien, sur ce, nous allons passer à notre dernière pause musicale qui nous est proposée une fois de plus par Lionel et qui en plus nous a préparé une petite présentation. Oui, alors pour cette seconde pause musicale, je vais vous raconter l'histoire d'une chanson très connue de Joe Dassin parce que les membres de la Dream Team aiment la chanson française et la chanson de qualité et de variété. Donc, je vais vous raconter cette histoire très connue de Joe Dassin qui concerne une chanson qui s'appelle « Le café des trois colombes ». Tube lors de sa sortie en 1976 dans l'album Le Jardin du Luxembourg. La chanson se situe à Nancy et si vous croisez des Nancyennes ou des Nancyens fans de Joe Dassin à cette époque, ils vous certifieront que Joe Dassin a composé cette chanson lors de ses venues à Nancy, voire son amoureuse de l'époque. Certains même vous diront qu'ils le voyaient parfois sortir de la gare ou place Stanislas ou entrer dans ce café devenu célèbre. D'autres vous diront même qu'ils ont cherché qui était son amoureuse de l'époque. Ah là là là là, les mythes ont la vie dure. Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi, je bois mon verre, elle s'installe à côté. Je ne sais pas. À cette époque, cette chanson, comme la majorité des chansons du hit parade de l'époque, étaient des reprises et adaptations de succès internationaux. Celle-ci n'échappe pas à la règle. Le créateur de la chanson était néerlandais, du nom de Pierre Kartner, alias Vader Abraham, et ce grand succès aux Pays-Bas et en Belgique flamande s'appelait Het Kleine Café aan de Haven, le petit café du port, qui est sorti en 1975. En voici un extrait. De avondzon valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het mot regent zachtjes op straat. Voilà, on ressent tout de suite la poésie néerlandaise bien connue. L'équipe de Joe Dassin, ses paroliers Pierre Delanoë et Claude Lebel, repèrent la chanson et proposent d'adapter en français ce titre à Joe, qui accepte immédiatement, trouvant la mélodie vraiment très romantique. L'album de Joe, Le Jardin Luxembourg, était ciblé au départ pour des chansons qui parlaient uniquement de Paris. Au bout de la troisième chanson, Joe Dassin a dit à ses maîtres d'œuvre de changer la thématique de l'album, sinon ça ne serait pas vendeur ailleurs qu'à Paris. Bon les gars, on garde par contre la chanson, mais proposez-moi autre chose que Paris, mais avec le même nombre de syllabes et qui se termine en « i », pour que ça colle avec le texte déjà écrit, leur dit Joe. Les auteurs s'exécutent et trouvent « Nancy », que le chanteur valide immédiatement. Il ne reste plus qu'à rajouter quelques précisions sur la ville, comme la neige en hiver. Effectivement, il y en avait, à l'époque de la neige en hiver, la place Stanislas et la Lorraine. Une seule prise suffit lors de l'enregistrement en studio, et c'était dans la boîte. Mais certains fans vont vous soutenir encore 48 ans après que l'histoire est bien réelle et bien située à Nancy. Hélas, mille fois hélas, ce n'est pas le cas. D'abord parce qu'il n'y a jamais eu de café des Trois Colombes à Nancy. Par contre, à cette époque, il y en avait un à Saint-Max, au 54 de l'avenue Carnot, qui n'existe plus depuis la fin des années 80. Les tenanciers du lieu, petit malin, à l'époque de la sortie du disque, n'ont pas souhaité commenter cette affaire, laissant planer le mystère, ce qui augmenta en quelques semaines le nombre de clients et de curieux et leur chiffre d'affaires. C'est bien des années plus tard, après leur retraite, qu'ils ont avoué à un journaliste local qu'ils s'en étaient bien amusés. Pire encore, malgré cette chanson, Joe Dassin n'est jamais venu à Nancy, ni même venu chanter une seule fois en concert à Nancy. Delanoë et Lebel, eux aussi, ont raconté l'anecdote bien des années après la mort de Joe Dassin, en constatant qu'avec cette mystérieuse histoire et cette mystérieuse amoureuse, que le 45 tours et le 33 tours s'étaient vendus à Nancy en Lorraine, comme des petits pains au chocolat bien sûr. Bon, ceci dit, cette chanson a fait naître une légende, mais elle reste néanmoins une belle chanson et on l'écoute encore une fois avec grand plaisir. Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille rentre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté, je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi et la neige fondue sous nos pas. On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends mille fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil on sortit la terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit, on attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amis. se sentait sans le monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre. Ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent. Le bonheur passé par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Ça m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colons, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait au café des Trois Colons, au rendez-vous des amours sans arrêt. On était bien, on se sentait seul au monde. On était bien, on avait toute la vie. Vous êtes toujours sur Fadjet 94.2 dans l'émission des bons plans solidaires du groupe Solidaire Actif de l'association Arelia, et nous allons retrouver Lionel qui, comme d'habitude, va nous proposer son fameux jeu, l'anniversaire des stars. Ouais, l'anniversaire des célébrités qui sont nées donc au mois de février. Bon, la Dream Team, vous êtes prêts? Oui, j'écoute. Alors, écoutez bien. Alors, cette célébrité-là est un homme, et elle est née, la célébrité, le 26 février 1956, ce qui fait que dans quelques jours, il va avoir 67 ans. Oui. Vous avez déjà des idées? Des questions? Moi, je connais la réponse, alors. Oui, c'est un Français. Et je peux même rajouter, il est né à Nancy. Jérôme? Non, ben, ce Jérôme n'est plus vivant. Oui, d'accord, depuis longtemps. Il est habitué à Nancy de ses parents. Il est vivant, notre vivant. Célébrité. Mais je peux te donner un indice, c'est aussi un chanteur. Il ne faisait pas de la guitare en même temps? Il lui arrive de faire de la guitare, mais son instrument de prédilection, c'est plutôt le piano. Son pseudonyme est l'association des prénoms de ses deux grands-pères. Il est auteur, compositeur, interprète, peintre, écrivain, graphiste, photographe. Il a fait des expos un peu partout à Paris. Il a eu même une exposition longue. Il s'est installé quelques années aux États-Unis. Il est revenu aujourd'hui sur sa chère et tendre Lorraine. Ça vous dit rien, il sera content. Joyeux anniversaire à Charles Élie Couture. Quand on est amoureux, l'amour est toujours optimiste. L'amour est toujours optimiste. Deuxième célébrité. Allez, je vous donne un indice, c'est un homme. Il est né le 7 Ventouse. Dans le calendrier républicain. Il est né donc le 26 février 1802 à Besançon. 1802 Il est plus là, hein. Ah non, sinon il aurait 222 ans. On l'a surnommé l'homme océan. Et après sa mort, l'homme du siècle. C'est un Français? Oui. Oui, il est Français. Est-ce qu'il a la descendance? Est-ce qu'il a 10 enfants? Non, mais j'ai appris récemment que dans mon arbre généalogique, je suis dans son arbre généalogique. C'est incroyable. Bon, j'ai de la parenté loin, loin, loin du côté de son frère. Était-il de la campagne? Non, il a habité Paris, mais il est né à Besançon, qui n'est pas une super grande ville. Il était poète, dramaturge, écrivain, romancier et dessinateur romantique. Vous le connaissez tous. Il est considéré comme l'un des écrivains de la langue française et de la littérature des plus importants. Il a été aussi une personnalité politique et un acteur intellectuel engagé qui a un rôle idéologique majeur et occupe une place marquante dans l'histoire des lettres françaises du 19e siècle. Il semble qu'il y a eu des obsèques nationales aussi. Oui, un de ses livres, Les Misérables. Ah, Victor Hugo. Victor Hugo, bravo. Allez, on passe au troisième. Plus facile. Alors, troisième, plus facile. C'est un chanteur et parolier français qui est né le 11 février 1943 à Bordeaux, en Gironde. Il aura donc, dimanche, 81 ans. Sa carrière a commencé en 1964. T'étais né, Alain. Oui. Lui, il est né avant moi. Il est l'un des chanteurs français les plus populaires depuis la fin des années 60. Est-ce qu'il chantait seul ou en groupe ? Seul. Seul. Il a publié 23 albums studio, 9 albums live et plusieurs de ses chansons sont devenues des classiques de la chanson française. Si je vous dis Les Ballons Rouges, D'aventure en aventure. Ah, D'aventure en aventure. Je suis malade. Oui. Serge Lama. Oui, voilà. Serge Lama, oui, oui. Bravo. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. Allez, le dernier pour la route. Oh, facile. Très facile. Il est né le 6 février 1945 à Nine Miles. Je vous laisse deviner le pays. Et il est mort à l'âge de 36 ans, le 11 mai 1981, à Miami, aux États-Unis. Il aurait donc 79 ans, il aurait donc eu 79 ans ce mardi. C'était un chanteur, auteur, compositeur, interprète, guitariste. Il a eu le même producteur que Charles-Élie Couture, dont nous avons parlé juste à l'instant. Alors, il chante en anglais. Bon, si je vous dis via Jamaïque... C'est Pedro Star Rocket. Alors, je vais vous donner un dernier indice. Je vois, c'est qui ? Je vais vous donner un dernier indice. On en parle beaucoup ces jours-ci dans tous les médias, la radio, la télé, car un film retraçant sa vie, François ira le voir, sort au cinéma mercredi prochain. Bob Marley ? Oui ! Yeah ! Bravo ! Je savais que ça sortait. Mais François, c'est notre madame cinéma. Bien, il est temps de clôturer cette nouvelle émission des bons plans solidaires pour le mois de février. On va se retrouver évidemment au mois de mars. Je tiens à remercier particulièrement Radija. Merci Radija. Merci Lionel. Merci Alain. Merci Lionel. Merci Madame Cinéma Françoise. Merci Lionel. Et merci Tao, notre excellent présentateur. Merci Lionel. Et merci à la technique Yves, le meilleur. Merci. On se retrouve donc le mois prochain, dans quelques instants, la suite des programmes de Fadjet avec le 13 en forme, puis les autres émissions de Fadjet. On se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.